Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle, Repas de deuil, écrite par Edgar Keret. C'est un écrivain, scénariste de bande dessinée, cinéaste israélien et polonais. Il est né en 1967. Fait chevalier des arts et des lettres, ses œuvres sont traduites en 42 langues dans 45 pays. Son écriture est considérée comme postmoderne, absurde, humoristique. La nouvelle est parue aux éditions Actes Sud sous le titre « Au pays des mensonges ». Bien, je commence. Elle décida de rouvrir le restaurant dès le lendemain matin de l'enterrement. Quand Itamar l'apprit, il explosa. « Ça fait à peine une heure que tu as enterré ton mari et tu es déjà pressé de vendre ta tchorba. » « Nous n'avons pas de tchorba sur la carte », essaya de dire Madja sur un ton apaisant. « Et ça n'a rien à voir avec l'argent, mais avec les gens. Je préfère être au travail et avec des clients plutôt que seul à la maison. » « Mais c'est toi qui as insisté pour ne pas respecter la semaine de deuil », dit furieux Itamar. « Tu nous prends la tête !» « Je ne vous prends pas la tête !» protesta Madja. « La semaine de deuil ne s'applique pas à ceux qui ont fait don de leur corps à la science. C'est un fait. Quand le père de Horowski est mort, « Je t'en prie, maman !» l'interrompit Itamar. « Épargne-nous tes Horowski, tes Schiffermann et ta madame Pinchowski du 21 de la rue Bialik. » « Parlons de nous, d'accord? Ça te paraît normal que le lendemain de l'enterrement de papa, tu ouvres le restaurant comme d'habitude ?»« Oui, » insista Madja, « dans mon cœur, ce ne sera pas comme d'habitude. Mais pour ceux qui mangent, oui. Papa est mort, mais le commerce est vivant. »« Le commerce aussi est mort, » marmonna Itamar. « Même un chien ne mettrait pas les pieds chez vous. » À l'hôpital, quand on lui annonça que Guidon était décédé, elle ne pleura pas. Mais après les paroles d'Itamar, oui, pas devant lui. Devant lui, elle sauva la face. Mais aussitôt qu'il fut parti, elle pleura comme un bébé. C'est tellement plus facile de pleurer pour une offense. Depuis qu'ils étaient installés sur la place à Tarim, ils avaient beaucoup moins de monde. Dès le début, elle s'était opposée à ce changement. Mais Guidon avait dit « C'est une occasion unique ». Depuis, chaque fois qu'il se chamaillait, elle lui rappelait l'occasion unique. Et maintenant qu'il était mort, elle n'avait plus personne à qui le dire. Le Thaïlandais et elle étaient assis dans le restaurant vide, sans dire un mot depuis 3 heures. Le Thaïlandais aimait beaucoup Guidon, qui était très patient avec lui. Il passait des heures à lui expliquer comment cuisiner le chulent, une espèce de cassoulet au coudois farci, et le gefilt, la carpe farcie. Chaque fois que le Thaïlandais ratait quelque chose et qu'elle lui disait « Va-t'en au diable !», Guidon s'empressait d'ajouter « Never mind, never mind ». Si aucun client n'arrivait d'ici 3 heures de l'après-midi, se dit-elle, elle fermerait. Pas seulement ce jour-là, mais pour de bon. Quand on est deux à diriger une affaire, c'est différent. S'il y a affluence, on se partage le travail. Et s'il n'y a personne, on peut bavarder. « You okay ?» demanda le Thaïlandais. Madja hocha la tête et essaya de sourire. Peut-être même qu'elle mettrait la clé sous la porte avant 3 heures. Ils étaient presque une vingtaine, et en les voyant lire le menu affiché dehors, elle sut que ce serait la pagaille. Le premier à entrer fut un géant. Il avait une tête de plus qu'elle, la chevelure argentée et des sourcils énormes. « Ouvert ?» demanda-t-il. Elle hésita un instant et le temps qu'elle réponde, le restaurant fut envahi d'ongles mauves pailletés, d'haleine de vodka et de hurlements d'enfants. Aidée du Thaïlandais, elle mit bout à bout quelques tables et quand elle s'approcha d'eux avec les menus, le géant lui dit « Inutile, madame, inutile, s'il vous plaît. Assiette, couteau, fourchette pour tout le monde. » Ce n'est qu'après avoir mis le couvert avec le Thaïlandais qu'elle remarqua les paniers de pique-nique. Ils sortirent de la nourriture, des boissons et commencèrent à remplir leurs assiettes sans vergogne. Si Guidon avait été là, il les aurait renvoyés à coups de pied. Mais elle n'avait même pas la force de dire un mot. « Maintenant, venez avec nous et mangez !» ordonna le géant. Madja fit signe aux Thaïlandais de s'asseoir à table avec eux et elle s'assit aussi, sans envie. « Buvez, madame, buvez !» dit le géant et il lui servit un verre de vodka. « Aujourd'hui, c'est jour spécial !» Et quand elle le regarda d'un air interrogateur, il lui fit un clin d'œil. « Aujourd'hui, c'est jour où nous découvrons restaurant à vous et aux copains chinois. Pourquoi vous ne pas manger ?» La nourriture qu'ils avaient apportée était bonne. Et après avoir bu un verre, Madja se sentit indifférente à leur grossièreté. Même s'ils n'avaient rien commandé et sali assiette et couvert, elle était contente qu'ils aient rempli l'espace de leurs cris et de leurs rires. Ça lui avait permis de ne pas rester seule. Ils burent à sa santé, à celle du restaurant et même à celle de Guidon, dont Madja dit qu'il était en voyage d'affaires à l'étranger. Puis ils burent à la santé des affaires de Guidon à l'étranger et à celle de Joseph. Et c'est ainsi qu'ils appelèrent le Thaïlandais. Et à la santé de sa famille et enfin à celle du pays. Madja, qui était déjà un peu ivre, essaya de se rappeler depuis quand elle n'avait pas bu à la santé du pays. Après qu'ils eurent vidé leur panier de pique-nique, le géant lui demanda ce qu'elle pensait de leur nourriture. Madja dit qu'elle était excellente. « Bien, dit le géant en souriant, je suis content. Maintenant, s'il vous plaît, le menu de chez vous. » Peut-être à cause de la vodka, Madja ne comprit pas tout de suite ce qu'il voulait, mais le géant s'empressa de lui expliquer. Vous êtes resté avec nous pour manger notre cuisine. Maintenant, nous restons avec vous pour manger votre cuisine. » Puis, ils commandèrent des plats de la carte comme si de rien n'était et mangèrent de bon cœur, salade, soupe, viande et même des desserts. Si elle avait su qu'ils commanderaient des plats, elle n'aurait pas autant bu. Mais malgré l'alcool, ou peut-être grâce à lui, le travail à la cuisine était détendu et facile. Même Joseph, qui paraissait encore plus ivre, ne rata aucun plat. « Votre cuisine est bonne, madame, lui dit le géant en sortant son portefeuille pour payer. Très bonne, et même meilleure que la nôtre. » Et une fois qu'il eut fini de compter les billets et de les poser sur la table, il ajouta « Votre mari, il revient quand de l'étranger ?» Madja hésita avant de répondre et dit que ce n'était pas encore sûr, que ça dépendait de ses affaires là-bas. « Il est parti comme ça et il a laissé une femme toute seule ?» Il claqua la langue en signe de réprobation. « Ce n'est pas bien. » Et Madja, qui voulait dire que c'était bien, que tout allait bien, qu'elle se débrouillait très bien comme ça, se surprit en train d'acquiescer de sourire, comme si ses yeux ne brillaient pas de larmes. Voilà, voilà, voilà. On ne le fait pas souvent, hein, ça, d'amener son pique-nique au resto.